Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS. Au nom du conseil d'administration de la Ligue JMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Nous vous remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de la Ligue. Joyeuses fêtes et soyez prudents pendant cette période de festivités. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Il vous incite à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. On va parler avec notre ami Stéphane Lebeau qu'on rejoint en Floride où il passe la période des fêtes. Salut Stéphane! Salut Danny. Stéphane, lorsque je te parle de l'année 2019 dans le monde du sport, pas dans le monde du sport, mais dans chez les Canadiens, dans le hockey général, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bien, écoute, moi, la revue 2019, je pense qu'elle est clôturée par les champions de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis, qui à un moment donné, durant la saison, là, étaient derniers au classement général de la Ligue nationale. Et de virer cette saison à 180 degrés pour finalement lever la Coupe Stanley, ben c'est tout un exploit selon moi. Mais faut dire que Jordan Binnington et Greg Berube est arrivé en poste. On a acheté un gardien de but qui s'appelle Jordan Binnington qui a fait le travail. Là. Ben, il a fait le travail, effectivement. Même... Et parfois, Danny, ça prend pas grand-chose justement pour provoquer l'étincelle. Mais les Blues de Saint-Louis, là, c'était plutôt une surprise. Ça fait quand même plusieurs années qu'on voyait cette équipe-là là, comme une équipe peut-être aspirante à la Coupe Stanley. Ça allait vraiment pas bien. Et la patience du directeur général dans ce cas-ci a été payante. Et comme à chaque année, il y a toujours des joueurs là, qui vont se distinguer. Ça a été Matt Murray au niveau des gardiens de but chez les Penguins de Pittsburgh. Et l'année passée, là, Binnington a vraiment fait le travail pour Saint-Louis. Le 3 janvier, hein, à quelque part, mais faut pas prendre ça comme un exemple, là, parce que c'était très rare. Je pense que c'est la première fois que ça arrivait, là, partir de dernier à premier. Là. La première fois que ça arrivait, puis oui, exactement, il faut pas penser que ça va arriver tous les années. C'est plutôt un exploit rarissime, et puis bon, on peut s'accrocher à l'espoir, mais avant tout, il faut avoir une équipe, là, solide à tous les niveaux avec beaucoup de profondeur si on veut aspirer à la Coupe Stanley. Puis moi, là, dans tout ça, on se rappelle la façon dont les Blues de Saint-Louis ont gagné, là, c'est-à-dire un petit peu du hockey à l'ancien, très impliqué, très physique, du hockey à la limite intimidant pour les autres équipes. Est-ce que c'est la recette maintenant qui va prôner dans la Ligue nationale ou on va revoir là, des équipes justement comme Tampa Bay qui, eux, suite à ça, on semble avoir de la difficulté à se relever. Mais est-ce que les équipes basées sur la finesse, sur la rapidité, peuvent encore espérer gagner cette fameuse Coupe Stanley? Ou ça prend vraiment des équipes là qui vont avoir aussi des joueurs à gros gabarit avec en étant imposants physiquement? OK, ben on l'a vu, Tampa Bay. Hein? Tampa Bay qui se sont fait sortir en 4 matchs contre Columbus. Ça avait été une grande surprise. Hein? Ben, ça a été la grande déception sur la Ligue nationale l'année passée, eux qui ont filé durant la saison régulière pratiquement sans adversité, pratiquement seuls dans la Ligue nationale. Plusieurs s'attendaient à ce qu'ils poursuivent leur parcours en série éliminatoire, mais se sont fait surprendre en 4 matchs. Donc, ça l'explique la différence là entre les bonnes et les moins bonnes équipes. Ça joue à pas grand-chose. Et la fameuse expression où les séries éliminatoires, c'est une autre saison, ben on a vraiment eu un excellent exemple là, avec l'effondrement du Tampa Bay Lightning. OK. Évidemment, du côté du Canadien, on n'a pas fait une participation aux séries. Ça a été quand même une bonne année, l'année 2018-2019. 96 points, on a manqué les séries. J'en parlais avec Marc dans sa revue de l'année. C'est vraiment l'avantage numérique et la tenue de ton deuxième gardien de but qui a fait en sorte que le CH n'a pas passé les séries. Là. C'est juste ça, parce qu'il y a eu une bonne année. Là. Ben, une année où dans laquelle on a donné un petit peu d'espoir, ouais. Danny, mais moi, je pense encore, là, je me souviens pas qu'on ait autant célébré une saison de hockey alors qu'on ne fait même pas les séries éliminatoires. C'est parce qu'on partait vraiment de très, très loin. Si on recule là, 2 ans, là, on n'avait plus d'espoir. L'année passée, on a fait des gros échanges avec Pat Charity, Max Domi, oui. C'est ça, exactement. Et puis bon, on a surtout frappé sur le clou de l'attitude. Et oui, cette attitude-là, elle était perceptible. On a vu une équipe beaucoup plus engagée. Donc, cet engouement-là, avec l'arrivée du jeune Kotkaniemi, qui a quand même eu une première bonne saison, ça a envoyé un petit peu une lueur d'espoir. Mais on est encore très, très loin d'être une équipe aspirante à la Coupe cette année. Donc, on s'accroche sur cet espoir-là. Maintenant que l'année 2019 s'achève, est-ce que vraiment en 2020, on va voir un Canadien qui va poursuivre sa progression ou ils vont tout simplement redevenir une équipe de bord des séminatoires, une équipe qui va prendre ça va prendre tout pour qu'ils puissent réussir à se classer là en série. Ah, c'est ça va être à suivre parce que du côté du Canadien, écoute. Là, au moment où on a eu ce podcast, ils sont dans l'Ouest canadien. Ils ont gagné contre Vancouver. Ce soir, c'est contre Calgary. J'en parlais avec des gens. Si tu fais une série, il faut que tu joues plus que 500 à domicile. Puis le Canadien, c'est pas ça, là, actuellement. Mais le Canadien de cette saison nous offre du hockey intéressant et étrange. Ils sont par moments très, très bons. D'un, il faut leur reconnaître leur côté là, énergique, engagé. C'est une équipe qui se présente à tous les soirs. Ouais. Mais c'est vraiment étrange. Ils ont connu les 20 premières parties. Ils étaient en feu. Ils ont réussi à battre les grosses puissances de la Ligue nationale. Ils trouvent une façon de perdre contre les équipes beaucoup moins fortes. Ils ont du succès sur la route, moins à domicile. Donc, c'est un mélange de moments étrange, entre victoire, défaite, un petit peu inattendu. Quelle est la vraie équipe du Canadien? Est-ce que c'est l'équipe qui excelle lorsqu'elle joue contre des grosses équipes ou est-ce que c'est l'équipe qui performe moins bien contre les moins bonnes équipes? C'est ça qu'on va découvrir, mais tu as raison. Il faut absolument que le Canadien joue mieux au Centre Bell pour espérer se tailler une place dans les séries. Ouais, effectivement. Stéphane aussi, ben, l'année 2019, ça a été l'année un petit peu des Me Too de la Ligue des entraîneurs. Mike Babcock, ça a commencé avec Mike Babcock, évidemment. Il y a des joueurs qui se sont alliés la langue. Là, c'est Bill Peters, c'est Mark Crawford, et ça continue. Là, et où ça va s'arrêter, on ne sait pas. Est-ce que ça, c'est une nouvelle tendance? Moi, je pense que quelque part, On a pris des affaires dans le temps et on l'a mis dans le contexte d'aujourd'hui. Ce qui est acceptable il y a 15-20 ans, il n'est plus aujourd'hui, mais faut se remettre dans le contexte. C'est toujours important de se remettre dans le contexte et de faire la part des choses. Il y a des gestes du passé qu'on peut continuer à condamner. Il y a des mœurs du passé qui étaient acceptées, tolérées, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc, la ligne est très mince entre les deux, mais on voit là, un gros changement dans notre société. Et dans le monde du hockey, ça ne fait pas les exceptions. J'ai souvent dit aux gens qui me côtoient que les joueurs de hockey, oui, on fait un travail prestigieux, on est grassement payé, on est reconnu, on est souvent l'idole des gens, mais à la base, nous sommes des êtres humains comme tout. Et le hockey ne doit pas faire exception au niveau de la violence sur les patinoires, la violence dans les vestiaires. C'est important que la Ligue nationale emboîte un petit peu la nouvelle vague de notre société il faut absolument faire les choses correctement dans la victoire comme dans la défaite. Mais là où que j'ai le petit bémol, c'est comme on l'a dit depuis tantôt, c'est de faire la différence entre ce qui était jadis toléré, ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce qu'on doit automatiquement accuser tout le monde parce qu'il y a des noms qui ont sorti? Mais je peux dire qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, possiblement dans la Ligue nationale, dans le hockey professionnel, mais aussi des entraîneurs qui ont eu des grandes carrières au niveau junior majeur et qui ont fait des choses. Et aujourd'hui, ils doivent être à la maison et espérer que plusieurs histoires ne sortent pas parce que ça pourrait entacher leur réputation, malgré qu'à l'époque, c'était souvent banalisé. Ben oui, même on pouvait même en rire par moment, mais aujourd'hui, la société a évolué. Et à ce moment-là, ça pourrait être catastrophique pour plusieurs. OK. Stéphane Sipperman, on va faire une pause. Je vais te demander qu'est-ce qui se passe en 2020. Qu'est-ce que tu vois? Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année de la Ligue nationale de hockey avec Stéphane Labeau. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Ici Pierre-Luc Martin de la Ligue GMS. Au nom du conseil d'administration de la Ligue GMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Nous vous remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de la Ligue. Joyeuses fêtes! Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On se parle, les Canadiens, on en a parlé dans le premier bloc, il est toujours pas assuré de faire les séries. Par contre, est-ce que tu penses que Marc Bergevin va sauver sa job? Moi, je vois pas comment. Puis c'est pas nécessairement tout de sa faute, là. Mais si les Canadiens ratent les séries encore une fois, ça va être extrêmement difficile pour le CH et Marc Bergevin de conserver son emploi, là. Ben, évidemment, moi, je pense que le prochain coupable, dans la mesure où le Canadien ne va pas atteindre ses objectifs, c'est la participation aux séries éliminatoires. Ça devrait être Marc Bergevin. Mais je pense encore que Jeff Molson, dans ses derniers commentaires, semble supporter son directeur général. Mais moi, au travers ça, on le sait que le Canadien n'a pas les éléments pour gagner la Coupe cette année, à moins d'une très, très grande surprise. Mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment une progression et l'espoir qu'on va le devenir. Et c'est là-dessus que le Canadien joue depuis plusieurs années maintenant. C'est que oui, le futur s'annonce prometteur, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est vraiment de la poudre aux yeux? Est-ce que Kotkaniemi va s'établir comme un joueur dominant? Est-ce que Suzuki va devenir une vedette de la Ligue nationale? Est-ce que Peeling, les autres qui suivent, est-ce que vraiment ça va être des joueurs d'impact dominant ou ce sera tout simplement des joueurs qu'on va tout simplement mettre dans le chandail, mais qui font pas un meilleur travail que les joueurs actuellement? Puis c'est, pour moi, c'est là que Marc Bergevin joue un petit peu son avenir. C'est que, parce qu'encore cette année, là, c'est ces transactions professionnelles qui fait la différence. Oui, le jeune Suzuki qui fait du bon, offre du bon hockey pour les Canadiens. Mais encore là, c'est pas eux qui transportent l'équipe sur ses épaules. Donc, c'est encore une fois les transactions, les signatures de Marc Bergevin qui réussit que le Canadien maintient la tête un petit peu en dehors de l'eau. Mais cet espoir-là qu'on vend depuis 2 ans, j'ai hâte de voir qu'elle va se concrétiser de façon encore plus importante. Ben moi, je peux te dire une affaire. J'ai fait une entrevue avec un gars qui suit les activités des juniors. Puis il met les espoirs du Canadien à peu près au 9e ou 10e rang. Il dit oui, ils ont de l'espoir. Par contre, c'est sur la quantité. Ils ont beaucoup de joueurs. Donc, en ayant beaucoup de joueurs, tu vas en avoir un de temps à autre. Mais à quelque part, tu sais, Romanov, qu'on dit beaucoup bien de lui, mon gars le compare à Alexis Yemelin. C'est un bon défenseur, mais c'est pas Raymond Bourque qui débarque à Montréal. Là. Faut pas s'attendre à voir Raymond Bourque. Là. Puis Norlinder, qu'on parle tout le temps, on dit qu'il joue en deuxième division. Il n'y a pas personne qui nous dit ça là, dans l'organisation du Canadien. Il dit oui, il a du talent, mais si il change pas de ligue, il va avoir de la misère à se développer. Et ça, personne ne parle de ça, là. Mais c'est exactement mon commentaire, Danny. C'est savoir, c'est une chose d'être bon dans le junior majeur. Ouais. C'est une chose d'être bon en Finlande ou dans la KHL. Mais comment que ces joueurs-là vont se développer en tant que joueurs de la Ligue nationale? Ouais. Je le répète souvent, c'est pas facile, mais c'est plutôt facile de repêcher des joueurs puis d'être capable de les faire jouer dans des rôles secondaires. Et ça, le Canadien, dans les dernières années, on en a. On peut prendre un paquet de joueurs qui évoluent à Laval, les amener un soir donné, et qui vont prendre la place d'un autre joueur. Et le Canadien ne sera pas vraiment plus faible, mais est-ce qu'ils vont être meilleurs? C'est ça qu'on veut. On veut avoir des joueurs qui vont rentrer chez le Canadien puis qui vont avoir un impact de dominant. Un peu comme on a vu chez les Bruins de Boston, chez les Lightning de Tampa Bay, des joueurs qui font une différence, pas simplement des joueurs qu'on met dans le chandail. Et c'est là que moi, je garde un petit bémol quand les gens, les journalistes, s'emballent avec le futur du Canadien. Moi, je dis, écoutez, oui, en quantité, on a des beaux noms, mais attendons voir si ces noms-là vont se transférer en joueurs étoiles, des joueurs qui vont finalement faire basculer le Canadien vers des aspirants de la Coupe Stanley. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on promène les gars, on les renvoie à Laval. Regarde, exemple Primo, là. Moi, ce qu'on se parle, il est de retour à Laval. Par contre, on l'a trimballé d'un bord puis de l'autre. Si t'es pour le monter, garde-les. Mais si t'es pour l'envoyer à Laval, reste-les à Laval. Pour qu'ils apprennent c'est quoi le calendrier de la Ligue américaine. C'est jouer dans l'NCAA un match ou deux par semaine, puis jouer dans la Ligue nationale à 2-3 matchs, c'est pas mal fait, pas du tout. Non? Ben oui, puis non seulement ça, il faut non seulement que ces jeunes-là apprennent le métier de professionnel en vivant des choses dans la Ligue américaine, mais pour moi, ils se doivent aussi d'être dominants dans la Ligue américaine. Parce que c'est là que tu t'établis. Tu peux pas souhaiter devenir un joueur dominant dans la Ligue nationale si tu domines pas dans la Ligue américaine. Voilà. Et puis, bon, on le sait, là, Canadien, actuellement, là, on blâme beaucoup la performance du deuxième gardien de but. C'est pour ça que Kincaid est à Laval. On cherche des solutions. Je serais pas surpris qu'il y ait une échange, une transaction à cet égard-là. Parce que même si on amène Caden Primo comme gardien de but auxiliaire à Carey Price, ben on va le faire jouer comme une fois. Est-ce que ça, on va nuire à son développement? Mais entre-temps, Caden Primo, j'aimerais ça aussi le voir exceller dans la Ligue américaine. C'est ce qu'on voit pas non plus. C'est important de mettre les joueurs dans la bonne chaise lorsqu'ils sont dans la Ligue nationale, puis pas leur faire une place tout simplement parce que c'est un espoir, mais c'est un espoir qui doit performer et livrer la marchandise. On va aller dans la Ligue nationale maintenant. Est-ce que tu penses que l'Avalanche du Colorado, ça peut être leurs années cette année? Ben, de toute évidence, ils ont vraiment une belle équipe de hockey. Ils sont bien nantis. Ils ont une belle offensive. Ils sont gros, ils sont physiques. Je pense qu'on peut, à ce stade-ci, les mettre parmi les favoris, mais je pense que Saint-Louis, si on regarde Eux aussi, là, avec ce qu'on a vécu l'année passée, on sait que c'est dur de répéter deux coupes en deux ans, mais ils se sont remplacés. Il y a d'autres équipes qui sont peut-être pas très, très loin. Les Capitals de Washington, moi, c'est encore une équipe que je trouve très, très intéressante. Les Bruins de Boston, peut-être l'équipe la plus constante depuis le début de la saison. Et les Penguins de Pittsburgh sont très surprenants, malgré beaucoup de blessés des joueurs à clé, Malkin, Crosby, le temps. Ont réussi à être très bons. Les Coyotes de Phoenix dans l'Ouest avec Taylor Hall, ça vient de changer pas mal d'affaires. Ça, est-ce que Hall est changé? Oui. Mais Taylor Hall, moi, j'ai hâte qu'il prouve sa valeur dans les équipes gagnantes. Ouais. Ça a été un joueur, oui, qui peut bien performer, mais est-ce qu'il peut devenir un joueur dans lequel là, on peut vraiment suivre en tant que leader? Est-ce que Tampa Bay va être capable de se relever? Toronto, s'il va être en surprise. Ouais. Donc, pour moi, la course pour la Coupe Stanley, elle sera encore très intéressante en 2020, justement parce qu'on a beaucoup d'équipes là qui sont à pas grand-chose de devenir vraiment les favoris. Mais c'est le contraire. Il y a plusieurs équipes qui peuvent être là, mais ça peut être un ou deux blessés majeurs qui faussent tous les données assez rapidement. OK. Stéphane, merci beaucoup pour ta collaboration. Je te souhaite une belle période des fêtes. Repose-toi bien. Joue au golf parce que je sais que tu es en Floride actuellement. Et merci beaucoup de ta collaboration encore. C'est très apprécié tout au long de la saison. Mélanie, ça me fait plaisir d'être un de tes collaborateurs. J'en profite pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Une belle année 2020. Et 2020 déjà. Oui, déjà. Et aussi à tous les auditeurs là, qui nous suivent. Bonne année à tous, santé, bonheur et peut-être éventuellement du hockey encore plus intéressant à couvrir chez le Canadien. Ben, nous autres, on prévoit avoir un beau printemps avec les Saguenay de Chicoutimi. On m'a dit en affaire, ils se sont pactés un club, je ne sais pas si tu es junior un peu, mais ils m'ont dit que les Saguenay avec Sherbrooke, ça risque d'être très très fort là. Donc on risque d'avoir du bon hockey si le Canadien... Ben, regarde, Daniel, on va sûrement en parler parce que moi, j'habite Sherbrooke. Toi, tu habites dans le coin des deux équipes qui sont en haut du classement au niveau junior majeur, qui ont fait des grosses transactions. Ouais. Donc, une lutte à finir entre eux autres et Moncton et on aura sûrement la chance d'en reparler. Steph, on se reparle en 2020. Merci, Daniel. Merci, Stéphane Labeau.